Chapitre 6e. L'incroyable nouvelle fit en quelques heures le tour de la ville et y provoqua une grande effervescence. Les adorateurs de Kali accoururent en foule à la pagode pour apporter des présents et demander des explications. Amra, que ce regain de popularité rajeunissait de 20 ans, allait et venait dans le sanctuaire avec une parole gracieuse pour chacun. Mais s'il daignait accepter les présents, en revanche, il refusa toute explication. Le fakir était invisible. Dans la solitude, il se préparait à la grande épreuve. Il fallait se contenter d'offrir des sacrifices en sa faveur et d'adresser des prières à la toute-puissante divinité pour qu'elle le protégeât contre les maléfices du démon. La nouvelle parvint jusqu'à la demeure du colonel Blake, député commissaire de la reine à Audipour. Celui-ci fut d'abord très embarrassé. Il avait pour mission de respecter les usages religieux, mais de s'opposer formellement à ces sacrifices de vie humaine dont les hindous furent de tout temps prodigues. Or, Siddhartha était évidemment un de ces fanatiques qui ne reculent pas devant le suicide. Quant à admettre l'hypothèse d'une résurrection, pareille absurdité ne serait jamais entrée dans la tête du colonel. Il fit venir son médecin, le docteur Simpson, qui haussa les épaules. « Laissez donc faire, » dit celui-ci. « Je ne crois ni à la mort ni à la résurrection du fakir. Ces gens-là connaissent bien mieux que nous les secrets de l'hypnotisme. » Le colonel rejeta également cette hypothèse. Tous les secrets de l'hypnotisme ne feraient pas revivre un homme après 3 mois de séjour dans la tombe. « Qu'en savez-vous ? » repartit le docteur. « N'a-t-il pas été prouvé que même dans l'état ordinaire, l'homme peut supporter un jeûne d'au moins 40 jours ? En état de catalepsie, c'est bien autre chose. » J'ai vu à Belfast un cas de léthargie où le sujet passa 2 mois dans une mort apparente, sans qu'on pût lui faire avaler même une goutte de bouillon. Un cas de léthargie, d'accord, mais ici vous avez un homme en santé qu'on va, de propos délibérés, faire mourir, avec du chanvre ou de l'opium, je suppose. Du tout, c'est lui qui doit sauter la vie. Et soyez sûr qu'il a sa petite recette pour se faire mourir et ressusciter. Il n'y aura ni poison employé, ni sang versé, je vous en réponds. À moins d'être Jésus-Christ, on ne sort pas vivant d'un tombeau où l'on vous a mis avec une plaie de 10 centimètres de profondeur au flanc. Bref, si vous le voulez, je prendrai sur moi la responsabilité de toute l'affaire. C'est très bien, répondit le colonel, mais vous savez, je m'en lave les mains. Au jour convenu, vers 5 heures du soir, toute la ville envahit les jardins royaux. Ganderab IV, craignant l'affluence, avait fait doubler les gardes. Mais les gardiens furent débordés. On passait par-dessus les murs, on se glissait au travers des haies, les arbres se chargeaient de fruits bronzés et enturbannés. Impossible de résister au courant. Il fallut se contenter de maintenir libre, au moyen d'un cordon de 6 pailles, la pelouse où le drame devait s'accomplir. Toute la cour était là. Les balcons, les toits en terrasse du palais s'étaient garnis de spectatrices encapuchonnées dans des châles. Le colonel Blake, craignant le ridicule, n'était pas venu. Mais Simpson occupait un siège d'honneur à la droite du Maharaja. Au centre de la pelouse s'ouvrait une fosse, dont les parois avaient été revêtues d'une couche de stuc d'un décimètre d'épaisseur, un cadre de pierre formant le plafond. La dalle destinée à s'enchâsser dans ce cadre pour servir de couvercle au caveau reposait sur le sol. Un chambellan, ceint de l'écharpe bleue à franges d'or, se tenait prêt à poser le sceau de sa majesté à la cire du cachet. Les rayons du soleil couchant, rasant le sommet des dattiers, venaient plaquer des lueurs sanglantes sur les hautes murailles du palais. C'était au mois d'octobre, après les pluies, à ce moment de l'année où l'air acquiert une transparence extraordinaire, où la verdure dans toute sa gloire brille comme sous une couche de vernis. Les jasmins et les orangers laissaient échapper de leurs millions de fleurs une abondance de parfums. Des perruches voletaient autour des pavillons, en essaims pressés, éparpillant des gemmes dans les airs. La nature s'était mise en fête pour voir mourir le fakir. Un peu avant 6 heures, un mouvement se fit dans la foule près de la porte d'enceinte. Les rangs s'ouvrirent, Siddhartha parut, accompagné du prêtre de Kali et du jeune Lalou. Sur son passage, on se jetait la face contre terre, des fanatiques baisaient la trace de ses pas. Lui ne paraissait voir personne. Calme, résolu, toute sa physionomie respirant la sérénité, ses yeux seuls, par leur éclat, trahissaient son exaltation. Il s'inclina devant le roi et, sans prononcer une parole, s'assit, les jambes croisées, sur un drap mortuaire qu'on avait déployé près de la fosse. Un grand silence s'était fait autour de lui. On le vit aspirer l'air à plein poumon, puis cesser de respirer. Son regard s'était fixé sur l'extrémité de son nez. Quelques minutes s'écoulèrent. Soudain, un frisson le secoua, ses membres se raidirent, son regard devint atone et fixe. Amran se pencha sur lui, de la main, doucement, il lui ferma les yeux, puis il lui fourra dans les narines des tampons de coton imbibés de cire. « C'est fait, » dit-il, « l'âme de Siddhartha s'est envolée auprès de Shivaji. » Le docteur approcha. « Un moment, » dit-il d'une voix brève, voyant que les deux prêtres se disposaient à envelopper leur compagnon dans le suaire. Il souleva une des paupières et la referma, tâta le pouls, s'assura que les membres avaient pris la rigidité du fer. Dans la foule, on commençait à murmurer. Il retourna auprès du Raja en se disant à mi-voix « C'est bien ce que je pensais, un état cataleptique, mais 3 mois. Enfin, on verra, et ce sera curieux tout de même. » Quand il eut repris sa place, Amra et Lalou ramenèrent le drap sur la tête de Siddhartha et l'y nouèrent solidement. Puis, l'ayant soulevé comme on fait d'un sac de blé, ils le renfermèrent dans un coffre que le chambellan scella de son sceau. Sur un signe d'Amra, des coulisses s'étaient approchées. On descendit le coffre dans le caveau, on scella l'ouverture, on recouvrit la fosse de terre et aussitôt un jardinier y sema de l'orge comme il avait été convenu. Alors l'émotion éclata. Aussitôt le Raja rentrait dans ses appartements, la foule s'était précipitée sur la pelouse. Elle entourait la place funèbre et se livrait à un délire de cris, d'exclamations, d'invocations au Dieu Tout-Puissant. Les plus rapprochés se prosternaient et baisaient la terre sacrée. On appelait Siddhartha, et séance tenante, un culte fut institué en son honneur. Amra s'était éclipsé. Des fâcheux coururent après lui, le ramenèrent en triomphe, l'obligèrent à consacrer par une libation d'huile et une prière un bloc de pierre arraché à une grotte artificielle et qu'on dressa au chevet de la tombe comme un autel. 24 jeunes hommes de bonne volonté s'engagèrent à veiller à Tours, chacun pendant 3 heures, auprès du sépulcre, jusqu'au jour de la résurrection. Et chaque soir, pendant 3 mois, après les labeurs de la journée, des artisans, des petits bourgeois, les cultivateurs des environs, venaient passer là quelques instants, voir si l'orge avait poussé, joindre leurs prières à celles de leurs frères en faveur de celui qui dormait sous cette pelouse. Le Raja se serait volontiers passé de ce va-et-vient à travers son parc. Il n'avait garde d'en rien témoigner. Une terreur religieuse s'était emparée de lui. Il était sombre et préoccupé, se livrait en secret à des jeunes, se refusant aux divertissements accoutumés. Phénomène bizarre et dont il s'étonnait lui-même, après avoir tant souhaité que Siddhartha, avec sa fâcheuse requête, disparût pour toujours, il en était venu à désirer ardemment de voir s'accomplir ce miracle, qui lui coûterait pourtant 1 million de roupies. Parfois, au lever du jour, il descendait sur la pelouse et restait longtemps à considérer d'un œil rêveur ce minuscule champ d'orge dont les épis commençaient à jaunir. Se pouvait-il que sous ce manteau de verdure reposât un être humain destiné à reparaître sur la scène du monde, à y jouer encore un rôle? Cette pensée le terrifiait. Et si d'aventure la brise matinale venait à faire onduler les épis, un frisson le prenait, il était obligé de rentrer.